Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de méditation autour du deuxième chakra, Svadhisthana chakra, le chakra sacré. Je m'appelle Anne-Julie, je vais vous accompagner dans cette méditation autour de l'eau, autour du mouvement, autour des émotions, puisqu'une émotion, c'est une énergie en mouvement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette méditation? On va peut-être visualiser des choses qui bougent à l'intérieur de nous. Mais ne vous inquiétez pas, on va quand même rester dans une posture confortable et immobile. En parlant de posture confortable, je vous invite à prendre la vôtre, celle qui vous conviendra le mieux. Vous pouvez rester assis sur une chaise, assis par terre, jambes croisées, sur les genoux, avec quelques supports que ce soit. Ou encore, vous pouvez bien sûr vous allonger sur le dos, il n'y a aucun problème. C'est peut-être même très intéressant à faire en étant allongé sur le dos. Alors, je m'installe en tailleur. Voilà, vraiment, assurez-vous d'avoir un maximum de confort parce qu'on va quand même rester quelques minutes, donc on va avoir besoin de confort. Une fois que vous avez trouvé votre posture confortable, fermez les yeux. Respirez par le nez sans forcer. Détendez les épaules. Détendez les 14 muscles du visage. Et trouvez une belle longueur dans la colonne vertébrale. Relâchez le poids du bassin. Mettez de la conscience dans le bassin, dans votre bas du ventre. Mettez de l'énergie dans le bassin. Sentez cette énergie descendante. Sentez l'apesanteur qui fait son travail. Sentez le corps entièrement qui se relâche. Non seulement le bassin qui se relâche sur le sol, mais aussi le poids des épaules, le poids des bras, le poids des pensées. Et à la fois trouver une sorte de légèreté dans la colonne vertébrale, dans l'espace du cœur, pour vous sentir droit, humble et fier. Détendu. Le corps est de plus en plus immobile. Stable. Et à l'intérieur de cette immobilité se joue tout un monde de mouvement, la respiration en mouvement. Observez tous les mouvements de la respiration, les plus évidents, la respiration au niveau du ventre, la respiration au niveau des côtes, de la poitrine, de la cage thoracique. Vers des mouvements peut-être un peu moins perceptibles, peut-être le mouvement des épaules qui est tout petit, des épaules qui se soulèvent sur les inspirations et qui se relâchent sur les expirations. Qui font bouger les clavicules quelque peu et tous les petits tissus autour du cou, de la gorge, la peau du cou, la peau des clavicules, la peau des épaules. Tous les mouvements de la respiration dans tout le corps, comme si les mouvements avaient un écho, comme si on pouvait sentir jusque au bout des doigts le corps qui bouge, la respiration qui ne fait qu'un avec tout le corps, toute la peau qui recouvre tout le corps, toute la peau du corps qui bouge légèrement. La respiration, le prana, l'énergie. L'énergie en mouvement. Soyez témoin de tous les mouvements physiques, mais aussi d'autres mouvements. Peut-être le mouvement des pensées, les mouvements de l'esprit. L'esprit qui bouge sans cesse. C'est comme une rivière qui coule à l'intérieur du corps, une rivière qui ne cesse de couler, qui parfois est plus calme, qui parfois est plus agitée. Chaque fois que vous respirez, c'est tout l'air qui circule dans le corps, comme l'eau irrigue la terre, comme les rivières coulent sur la terre, tous les bras des rivières, toutes les ramifications. Toute l'eau qui coule dans notre corps, sans que nous en ayons vraiment conscience. Peut-être vous pouvez sentir le sang qui circule dans vos bras, dans vos mains, dans vos jambes, dans vos pieds, et juste être témoin de tout ce qui bouge à l'intérieur. Et les pensées qui peut-être parfois vont et viennent et reviennent, avec cette capacité d'être témoin de ces pensées, de les laisser couler comme on laisse couler l'eau sur la terre, comme on laisse couler l'air dans le corps. Les pensées, les émotions qui vont, qui viennent, qui surviennent. Et si une émotion survient maintenant, soyez simplement témoin de l'émotion. Ne cherchez pas à la retenir. Une émotion, c'est quelque chose de physique. Ce n'est pas quelque chose de rationnel. N'essayez pas de la comprendre tout de suite. Laissez-la s'exprimer dans le corps. Et sans vraiment la comprendre, vous pouvez mettre un mot, deux mots, trois mots sur l'émotion qui vous traverse. Donnez-lui la place qu'elle demande à cette émotion. Elle demande à surgir, elle demande de l'attention. Donnez-lui l'attention qu'elle demande. Elle s'en ira une fois qu'on l'aura remarqué, une fois qu'on l'aura pris en considération. Une fois qu'on l'aura pris en considération. Elle pourra s'en aller. N'ayez pas peur de la regarder. sur l'inspiration, sentez l'énergie qui monte du coccyx jusqu'au sommet du crâne, dans l'expiration du sommet du crâne jusqu'au coccyx. Laissez filer tout ce dont vous n'avez pas besoin maintenant. Laissez partir. Laissez couler. Allongez le souffle. Commencez à remuer les doigts, les orteils, les mains, les pieds, tout le corps. Étirez-vous les bras vers le ciel, les bras sur les côtés. Ouvrez les yeux et ramenez les mains en face du cœur, ramenez le front vers les mains, juste pour vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Namasté.